Bonjour à tous chers amis et bienvenue pour une nouvelle leçon de niveau média avancé. Je m'appelle Amaury. Et moi c'est Christella, salut tout le monde. Ça va Amaury? Ça va très bien et toi? Très très bien. Alors on a un article aujourd'hui qui s'appelle « Union sacrée pour le jour du Seigneur » qui a été publié dans le journal Libération le 15 décembre 2008. Alors le journal Libération, qu'on appelle également en France Libé, donc c'est un quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que ce quotidien a été fondé par Jean-Paul Sartre dans les années 70. À ses débuts, c'était un quotidien d'extrême gauche, communiste, mais qui s'est repositionné avec le temps et qui se situe maintenant à gauche. Donc oui, comme tu l'as dit, cette émission a pour sujet le repos dominical. Tout à fait, le repos du dimanche, qu'on appelle aussi le jour du Seigneur. Auquel les Français sont, semble-t-il, attachés, puisque là, le président Nicolas Sarkozy veut remettre en question ce repos dominical, et ça génère pas mal de contestations, notamment chez les chrétiens de toute obédience. C'est-à-dire de diverses croyances, catholiques, protestantes. Voilà, tous les courants un peu dans le mouvement chrétien. Alors, union sacrée, c'est le terme qui fait partie du titre de l'article d'aujourd'hui. C'est ça. Et j'ai trouvé que c'est un terme vraiment intéressant, étant donné que c'est une référence au terme qui a été utilisé en France pendant la Première Guerre mondiale. Et à l'époque, ça faisait référence à l'union nationale, qui avait été choisie comme la meilleure option entre les différents partis politiques français et différents courants religieux qui avaient décidé de s'unir, en fait, pour mieux affronter et mieux vaincre l'ennemi. Donc ils ont fait front ensemble face à la menace allemande. Exactement. Et donc c'est là que le terme union sacrée, union nationale, a été utilisé. Et il est réutilisé ici dans cet article pour justement parler de l'union entre les différents courants religieux chrétiens pour défendre ce jour du dimanche, ce jour de repos, le dimanche. Et donc cette expression union sacrée peut être reprise dans différents contextes, notamment quand on veut parler d'une union entre des courants qui s'opposent. Et donc pour s'opposer à Nicolas Sarkozy qui veut libéraliser cette journée, il est dit dans l'article que les chrétiens de toute obédience et de tout bord politique partent en croisade. Donc de même, ici c'est une référence historique à l'époque des croisades qui eurent lieu pendant le Moyen-Âge, où toutes les forces étaient engagées, vraiment mobilisées pour les croisades. Là de même, les chrétiens mettent tous les moyens de leur côté pour pouvoir lutter contre ce projet. Et donc c'est un sens très fort, partir en croisade contre le travail le dimanche. Oui, ils s'engagent dans une action de lutte contre ce projet. Et donc dans l'article, on a une certaine ironie lorsque le journaliste écrit que Nicolas Sarkozy a réalisé une prouesse œcuménique. Nicolas Sarkozy, en tentant de libéraliser cette journée, a réalisé une prouesse dans le fait que normalement, c'est vrai que bon, il y a toujours des petits contentieux entre les différents mouvements de foi entre les chrétiens catholiques, orthodoxes, protestants. Et là, cette prouesse est de les avoir rassemblés dans un même combat, dans cette croisade contre le travail le dimanche. Exactement. Alors cet adjectif œcuménique, il vient du terme œcuménisme, qui est cette tendance à encourager, à promouvoir l'unité entre les différentes religions chrétiennes. Et donc il n'y a pas que les grands mouvements chrétiens qui se sont engagés, il y a eu également des responsables politiques, et notamment des responsables qui font partie de l'UMP. L'UMP, c'est l'Union pour un mouvement populaire, qui est le parti de droite de l'actuel président français, Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que ça fait désordre ici un peu, puisque même des hommes politiques qui font partie de l'UMP s'opposent à ce projet. Voilà, expriment leur désaccord. En notamment signant une tribune contre le travail dominical. Et alors t'as cité le mot « tribune ». Tout à fait. Une tribune qui est un article de journal. Une tribune qui est parue le 21 novembre dans le quotidien Le Figaro, quotidien de droite. Et donc ces députés de l'UMP ont déclaré clairement et ouvertement qu'ils se montraient contre le travail dominical. Oui, bah, ils ont vu qu'il y avait une partie de leur électorat qui était contre. Et donc ils ont décidé de ne pas respecter forcément le point de vue du président et plutôt de se tourner vers ce que leur électorat leur demandait. Et s'interroger sur le fameux slogan du chef de l'État, le fameux slogan du président Nicolas Sarkozy, « Travailler plus pour gagner plus », qui était un des slogans de sa campagne présidentielle en 2007. Ouais. Donc il voulait en fait assouplir les lois sur les heures supplémentaires pour que les citoyens français, s'ils souhaitent gagner plus d'argent, travaillent plus. C'est vrai, ouais. Et donc beaucoup de gens s'interrogent sur la question, travailler plus, est-ce que ça veut dire aussi travailler le dimanche? On a d'ailleurs dans l'article de journal l'avis d'André 23, cardinal archevêque de Paris et président de la conférence des évêques de France, c'est pour vous dire, qui fait mine de s'interroger, fait semblant de s'interroger. Gagner plus doit-il devenir le principal objectif de l'existence? C'est une interrogation qui vaut la peine qu'on se penche dessus. Tout à fait. Outre le problème religieux, cet évêque, donc cet homme de foi, eut raison de soulever la question de cette manière. C'est ce que sous-entend le débat en fait. Est-ce qu'on doit vraiment consacrer toute son énergie à tenter de gagner plus d'argent? Alors moi, c'est une question à laquelle je réponds non. Non, de manière très claire. Catégorique. Parce que personnellement, je conçois les choses comme ça. Je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais pourquoi empêcher certaines personnes qui auraient envie de travailler le dimanche? Parce que honnêtement, il y a très peu de gens qui meurent d'envie de travailler le dimanche. Amri, vraiment, non mais vraiment. Est-ce que tu as connu beaucoup de personnes qui disaient « Si seulement je pouvais travailler le dimanche ?» Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais il y a des nécessités. Je pense que c'est pas une nécessité pour l'employé, c'est plus une nécessité pour le consommateur qui a envie d'avoir cette liberté de pouvoir consommer 7 jours sur 7. Ouais. Mais moi, je me pose la question, est-ce nécessaire de pouvoir consommer 7 jours sur 7? Non, bien sûr, c'est pas nécessaire. Donc, à qui ce projet de loi profiterait-il vraiment? Est-ce qu'il profiterait vraiment aux personnes, aux citoyens français, ou uniquement aux consommateurs? Donc, dans l'intérêt général, quelle est la meilleure chose à faire? Honnêtement, pour moi, c'est de conserver le dimanche. Ça, c'est sûr. Je pense, par exemple, je suis pas mère de famille, mais si je l'étais, j'aimerais pouvoir passer tout le week-end avec mes enfants. Ça, c'est sûr. Avec ma famille. Ouais. J'aimerais ne pas avoir à travailler le dimanche. Si maintenant, pour pouvoir gagner ma vie, je suis obligé de travailler le dimanche, je pense que, étant donné que mes enfants iront sûrement à l'école du lundi au vendredi, comme la plupart des enfants, ce sera désavantageux pour moi et pour ma vie de famille. Mes enfants seraient élevés le week-end par la nounou et ça me plairait pas. Ouais, bien sûr. Ouais, évidemment, ce point de vue, je le comprends. Maintenant, pour d'autres personnes, comme les étudiants, les célibataires, ça peut être avantageux pour eux, mais je suis pas vraiment convaincue. En fait, tu as peur vraiment qu'il y ait une dérive rapide, où il y a trop de gens qui sont obligés d'aller travailler le dimanche, alors qu'ils n'en ont vraiment pas envie. C'est pas de la peur, mais je pense que les jours ouvrables sont suffisants en fait dans la semaine pour faire ce qu'on a à faire, pour aller faire du shopping si on a envie de faire du shopping, faire les magasins, aller à la poste. Ouais. Enfin, en tout cas, moi j'ai déjà travaillé le dimanche pour une société de service et comme tu disais, c'est vrai que j'étais pas forcément content d'y aller, mais bon, évidemment, je suis célibataire donc la question des enfants ne se pose pas pour moi. Mais par contre, j'ai apprécié le fait que en travaillant le dimanche, je récupérais des jours pendant la semaine qui me permettaient de faire d'autres choses. Comment ça, tu récupérais des jours? Au lieu d'avoir mon week-end de libre, il y avait 2 jours de la semaine, par exemple lundi, mardi ou mardi, mercredi, où je n'allais pas travailler. Ouais, mais ça c'est pas super quoi. Même si tu veux voir tes amis, eux par contre, ils vont travailler, tu vois, tu pourras pas les voir quoi. Mais ce qui est bien, c'est que c'était pas toutes les semaines comme ça. C'était un dimanche sur 3. Bah, pareil, au niveau de la stabilité, c'est pas génial quoi. Ouais. Attends, c'est vrai, c'est que quand je me balade le dimanche et que les magasins sont ouverts, ça me fait plaisir parce que parfois le dimanche, ça me déprime. Y a rien qui est ouvert. Les gens restent chez eux, on se demande ce qu'ils font. Évidemment, c'est pas marrant pour les gens qui travaillent. Bah non. Mais quelque part, je suis content d'en profiter. Égoïste, égoïste. Le problème, c'est qu'ici, évidemment, les gens qui travaillent le dimanche, ce serait probablement sans augmentation de leur salaire. Exactement. Donc c'est à leur désavantage. Je pense que cette mesure serait uniquement à l'avantage de la société de consommation. Et encore, je suis pas sûre qu'au niveau des bénéfices pour les entreprises, la marge soit plus grande. S'ils peuvent ouvrir un plus grand nombre de jours, probablement ça leur est profitable. Je suis pas convaincue. Je pense que si les consommateurs savent que les magasins sont ouverts le dimanche, ils vont se dire « Bon, bah, je vais pas aller faire les boutiques samedi vu que je peux le faire demain. » Et donc ça va juste faire un report de leur consommation, un report de leurs achats au lendemain, au dimanche justement. Et je pense pas que les gens vont acheter plus parce que les magasins sont ouverts le dimanche. Mais peut-être que ce projet-là passera et qu'on verra les résultats et peut-être que j'aurai tort et qu'il y aura beaucoup plus de ventes et beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus de profits pour les entreprises. Pas forcément une meilleure qualité de vie par contre. Par rapport aux gens qui nous écoutent et qui se sont déjà rendus en France, ils se disent peut-être « Ah oui, mais quand je suis allé à Paris, bon, les magasins étaient quand même ouverts le dimanche. » En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est certains magasins. Évidemment, si vous êtes allé sur les Champs-Élysées, des lieux qui sont hautement touristiques comme ça, il y a déjà des dérogations leur permettant d'ouvrir le dimanche. Mais il faut savoir qu'en général, en France, c'est assez rare. La très grande majorité des magasins ferment le dimanche. Il y a vraiment que quelques exceptions dans la capitale ou dans les endroits très touristiques. Ou évidemment, dans les aéroports, enfin les endroits qui le requièrent. Et puis, il faut aussi penser aux personnes qui veulent aller à l'église le dimanche. Tout à fait. Les personnes qui, de par leur religion, doivent se reposer le dimanche. Qu'est-ce qui va arriver d'eux? Que va-t-il advenir de la messe, du culte? Oui, mais la France est un pays laïque. France est un pays laïque, mais on ne peut pas nier l'histoire religieuse. C'est vrai, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et la religion principale en France, le christianisme. Après, bon, c'est vrai que c'était un peu ironique quand ce député de l'UMP a dit « Bon, ben, alors pourquoi pas avoir le samedi pour les juifs et le vendredi pour les musulmans ?» Mais bon, c'est vraiment ironique parce que c'est vrai qu'il néglige tout à fait le fait que... Il y a l'histoire religieuse française qui, évidemment, est très imprégnée dans la culture. Ouais. En tout cas, je me demande bien ce qui va arriver. Moi aussi, je me pose vraiment la question. Parce que Nicolas Sarkozy, je crois qu'il y tient beaucoup, donc il va pas laisser tomber. Mais si une grosse partie de son électorat est contre... Sa cote de popularité risque de chuter. Vous aussi, je suis sûre que vous avez un avis sur la question. Est-ce que dans votre pays, est-ce que là où vous habitez, on travaille le dimanche? Est-ce que c'est une habitude de travailler le dimanche? Ah, ça serait vraiment extraordinaire d'avoir d'autres exemples. Voilà, est-ce que vous aussi, vous avez travaillé le dimanche? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous en aviez besoin? Dans quel contexte ça s'est fait? N'hésitez pas à venir sur le site frenchpod.com et à nous laisser vos commentaires, à nous parler de votre expérience. En attendant de vous lire, à bientôt! Salut tout le monde!